Jean-Baptiste Ndikomanyanga. Nous sommes samedi 18 février 2023. Bienvenue, chers auditrices, auditeurs de la radio Isanganiro à ce journal, édition de la mi-journée, dont voici d'abord les principales articulations. La jeunesse joue un grand rôle dans la promotion de la paix et le développement. Cela a été dit ce vendredi par la directrice du Centre d'alerte et de prévention des conflits CENAP en sigle. C'était lors de la clôture du festival qui a regroupé les jeunes des pays des Grands Lacs, vous l'entendrez. Flambée du prix du ticket de transport en province Bururi suite au manque du carburant de type essence. Ce ticket ayant passé du simple au double pour les tronçons Bururi-Rumongue et Bururi-Matana. Vous aurez les détails avec notre correspondant sur place. Tenue du 36e sommet des chefs d'État de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie, ces 18 et 19 février de l'année en cours et la zone de libre-échange continentale africaines éclaves figure sur l'agenda du jour. Bienvenue à cette édition dont la mise en onde est assurée par Anselme. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Flambée du prix du ticket de transport à Bururi suite à la pénurie du carburant du type essence depuis environ une semaine. Le matin de ce samedi, de Bururi à Rumongue, de même que de Bururi à Matana, les conducteurs de véhicules assurant le transport en commun exigeaient une somme de 7000 francs de ticket alors qu'avant on payait 5000 francs bout. Les conducteurs de ces véhicules disent qu'ils achètent l'essence au marché noir au prix exorbitant, de même que leurs clients. Ils demandent que le carburant soit disponible. Les détails avec Zélène Zayman. Les conducteurs des véhicules qui assurent le transport en commun rencontrés au parking de Bururi le matin de ce samedi exigeaient une somme de 7000 francs burundais de tickets de transport pour les trajets Bururi-Rumonge et Bururi-Matana. Alors qu'avant cette pénurie du carburant, pour tous ces trajets, le ticket ne dépassait pas 5000 francs burundais. Les motards ont également revu à la hausse le prix du ticket de transport, passant même du simple au double dans certains tronçons comme Bururi-Kigama et Bururi-Kiremba, ce qui a déjà provoqué des grognes chez les passagers. Les conducteurs des véhicules qui assurent le transport en commun expliquent cette hausse du ticket de transport par le fait que eux aussi s'approvisionnent en carburant au marché noir et au prix exorbitant. Ils disent qu'ils achètent un litre d'essence à un prix variant entre 6000 et 8000 francs burundais, raison pour laquelle ils sont obligés de revoir à la hausse le prix du ticket de transport. Les pompistes employés des stations-service et casés du chef-lieu de la province de Bururi nous ont fait savoir que cette pénurie du carburant de type essence s'observe à Bururi depuis dimanche dernier. Les conducteurs de ces véhicules, de même que leurs clients, qui craignent déjà que les prix des autres produits risquent d'être revus également à la hausse, demandent que le carburant soit disponible. Depuis Bururi, Zenon Zabimara pour la radio Isanganiro. Merci à Zenon Zabimana pour cette correspondance. Je vous le disais en titre. La jeunesse joue un grand rôle dans la promotion de la paix et le développement. Cela a été dit ce vendredi par la directrice du Centre d'alerte et de prévention des conflits CENAP en sigle. C'était lors de la clôture du festival qui a regroupé les jeunes des pays des Grands Lacs. Liberate Nakimana fait savoir que lorsque les jeunes se rencontrent dans leur diversité, c'est le moment d'analyser ensemble les stratégies qui puissent les aider à atteindre le développement durable dans leur avenir. Suivez-le au micro de Jean-Marie Vianney Ndakoumane. C'est une expérience que nous venons de vivre avec les jeunes innovateurs. On les a appelés des jeunes innovateurs parce que ce sont des jeunes qui ont pris des initiatives de faire quelque chose dans l'optique de non seulement s'auto-développer, mais aussi dans l'optique de contribuer à la consolidation de la paix au Burundi, dans RDC, au Rwanda et particulièrement dans la région des Grands Lacs. C'était une occasion pour le CENAP de réunir ces jeunes pour que, ensemble ou en échange avec les adultes qui, lors de leur temps de jeunesse, ont aussi entrepris quelque chose pour que la paix règne. Je partirai du cas du Burundi. Nous avons eu une personnalité qui a partagé son expérience et ce qu'il a pu faire pendant la crise, spécialement la crise de 1993, où il a fait des efforts pour regrouper les jeunes étudiants de toutes les tendances à pouvoir continuer à vivre ensemble malgré les transcendances qu'on observait pendant cette période de crise. Une chose qu'il n'a pas terminée ici au Burundi, mais aussi qu'il a continué même pendant les périodes de refuge ou dans les camps de déplacés, il a mis en place un système d'éducation des enfants burundais, des jeunes burundais qui avaient, malgré eux, quitté le Burundi et qui avaient été obligés d'abandonner leurs études. Et il a continué à les éduquer, à les aider, à les accompagner, de telle manière qu'aujourd'hui, il est très fier de constater que, grâce à cette petite initiative qu'il a entreprise, beaucoup de ces Burundais sont maintenant au service de la nation. C'était Liberata Nakimana, directrice du Centre d'alerte et de prévention des conflits, CENAP en sigle. Quant à Providence Iradukunda, l'une des participantes de la nationalité rwandaise, indique que l'expérience qu'elle a reçue lors de ce festival va lui permettre de réaliser les projets de s'auto-développer. Elle ajoute qu'elle se réjouit de la bonne relation qui existe actuellement entre le Rwanda et le Burundi. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Je vous le dis en titre, le 36e sommet des chefs d'État de l'Union africaine qui se tient à Addis Abeba en Éthiopie les 18 et 19 février se penche entre autres sur la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAF. Au cours de ce sommet, le président sénégalais Macky Sall est remplacé. D'autres détails de ce sommet avec Mireka Nyang. Ce 36e sommet des chefs d'État de l'Union africaine auquel participe le président burundais remplace le président sénégalais Macky Sall à la tête de l'Union africaine. Il est remplacé par le président des Comores, Azali Assoumani, pour un mandat d'une année. C'est un sommet qui a en outre au centre des échanges l'opérationnalisation de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAF en vigueur depuis janvier 2021. Au cours du 35e sommet des chefs d'État, le président de l'Union africaine également, président sénégalais en exercice, avait rappelé au chef d'État dans son discours que l'Afrique accuse un retard dans le domaine du développement malgré ses énormes potentialités. C'est notamment les 30 millions de kilomètres carrés, plus d'un milliard d'habitants, 40 millions de réserves d'or, 60% de terres arables non exploitées du monde et plus de 80% de réserves de différents métaux. C'est également au cours du 35e sommet que le président Macky Sall avait déploré les ravages du cancer, un tueur silencieux a-t-il qualifié, qui cause près de 20 millions de décès par an dans le monde, dont plus de 700 en Afrique. La zone de libre-échange continentale africaine, aujourd'hui sur la table de ce 36e sommet des chefs d'État de l'Union africaine, avait au début pour objectif de stimuler le commerce intra-africain en permettant de faire des affaires plus facilement sur tout le continent. Cet accord de libre-échange envisageait aussi de supprimer les droits de douane pour 90% des marchandises. Merci à Mireille Kanyang pour tous ces détails. Certains ménages de la province Bouvanza sont minés par des conflits suite aux femmes qui veulent aller gagner de l'argent dans les pays arabes sans consentement avec leurs maris, surtout sur la question des enfants. Les administratifs, quant à eux, continuent à prodiguer des conseils dans des réunions avec la population que celui qui veut aller gagner de l'argent à l'étranger doit d'abord s'entendre avec son conjoint. Les détails avec Space Caritas Cavagnan. Un homme rencontré au chef-lieu de la commune Gihanga au cours de cette semaine était fâché. Il disait ne pas comprendre comment son épouse pourrait partir dans les pays arabes pour gagner de l'argent alors qu'il ne lui a pas accordé son autorisation. Cet homme soulève le problème des enfants, dont le plus petit, moins de 2 ans et encore sur le sein de sa mère. Il s'était rendu à la commune accompagné de cette femme pour soumettre la question aux autorités. Ce couple est l'un parmi parmi beaucoup d'autres qui sont minés par des conflits. Dans ce cadre où la femme veut partir pour gagner de l'argent à l'étranger et le mari s'y oppose. Au niveau des autorités administratives, des conseils sont toujours donnés au cours des réunions avec la population, demandant au couple de s'entendre d'abord quand l'un veut partir pour travailler dans d'autres pays. Spécialitas Kavanyana Mwanza, Radio Isanganiro. De Bubanza, rendons-nous au sud du pays, cette fois-ci en province Rumonge pour parler sécurité. Un blessé, deux moteurs, deux batteries et de l'essence volée. Tel est le bilan d'un vol à main armée perpétré contre les pêcheurs burundais la nuit de ce vendredi. Des sources recueillies auprès des pêcheurs indiquent que trois personnes armées d'un fusil de type Kalachnikov ont commis ce forfait dans les eaux du lac Tanganyika. La marine burundaise est positionnée à Karonda, en commune province Rumonge, est intervenue sans pour autant pouvoir attraper les malfaiteurs, selon ces mêmes sources. C'est une correspondance de Jean-Pierre Misago depuis Rumonge. Un moteur de marque Suzuki de puissance 30, deux batteries et de l'essence ont été volés sur un bateau de pêche burundais dans les eaux du lac Tanganyika côté Karonda. Un autre moteur de marque Yamaha de puissance 15 et de l'essence ont été volés côté rivière Nyengwe, séparant les communes Rumonge et Nyanzalak. Sur ce dernier cas, même un pêcheur a été blessé à la machette, selon certains des pêcheurs accostant à la plage de pêche de Karonda. Sur un troisième bateau de pêche victime de ce vol, dans les eaux du lac Tanganyika côté Karonda, c'est seulement de l'essence et un tank à carburant volé, les malfaiteurs ayant échoué à déboulonner son moteur. Selon certains pêcheurs victimes de ce vol, c'est un groupe de trois personnes à bord d'un petit bateau avec un moteur Yamaha de puissance 8 qui a commis ce forfait à partir de 23h de ce vendredi. L'intervention de la position de la marine burundaise à Karonda est arrivée sur le lieu lorsque ces malfaiteurs avaient déjà pris le large côté Congo voisin, selon les pêcheurs qui demandent le renforcement de la sécurité lacustre. Des sources sur la plage de Karonda indiquent que ces bateaux de pêche privés, soit des moteurs ou de carburant, sont parvenus à la plage de Karonda ce samedi matin, tirés par la marine burundaise. Jean-Pierre Misago depuis Rumonge, Radio Isanganiro. Voilà, c'est sur cette correspondance de Jean-Pierre Misago que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, vous aurez droit à la revue de presse. Au revoir. Évariste Ndikomanyanga. Revue de la presse. Bonjour ou bonsoir. La contribution du bananier à l'économie nationale est remarquable, écrit Burundi Echo. En effet, explique ce journal, elle génère des recettes communales estimées à plus de 70%. Elle représente 14% du PIB du pays, 38% du PIB agricole et 45% de la valeur ajoutée de la production vivrière. Selon Dr Célestin Niongere, chercheur à l'ISABU, le bananier est la seule culture qui peut être considérée comme une banque. Tu peux récolter la banane de janvier à décembre, confie-t-il à son confrère. Les autres cultures sont saisonnières. Dans une étude faite sur l'analyse de la chaîne de valeur banane 2019, il fait remarquer que le bananier est la culture dominante des systèmes d'exploitation dans toutes les zones du pays, à l'exception des hautes terres du Mugamba, où les sols sont plus acides et le climat trop frais. La production nationale de bananes était estimée autour de 1 800 000 tonnes pour la campagne 2017-2018, poursuit Burundi Echo, citant toujours ce chercheur à l'ISABOU. Dr Célestin Nyongere demande alors à l'État d'investir beaucoup dans cette culture pour l'exporter comme on le faisait autrefois pour bénéficier des devises. On exportait les petites bananes au Manama Sengue en Belgique dans les marchés de niche de Bruxelles. Cet hebdomadaire socio-économique fait remarquer qu'en Ouganda, on a beaucoup investi dans ce domaine et que c'est le président Yoweri Kaguta Museveni qui a pris le lead. Et actuellement, l'Ouganda exporte la banane au Canada et aux États-Unis, précise-t-il. Des élèves désertent et déambulent dans les rues pendant les heures de cours, regrettent la voix de l'enseignant, qui précise que c'est dans la commune de l'éducation de Moua où se manifeste ce phénomène. Antoine Kaboura, inspecteur communal de l'éducation, indique dans les colonnes de ce journal que ces enfants sont de plusieurs catégories. Les enfants tombés malades au cours de l'année scolaire et qui ne retournent pas à l'école. Les enfants chassés de l'école pour n'avoir pas encore payé le Minerval. Ceux qui devraient se présenter à l'école l'après-midi mais qui viennent les avant-midi. Ceux qui sèchent les cours, arguant aller chercher le Minerval. Ceux qui accompagnent leurs camarades de classe par solidarité négative alors qu'ils ont leur Minerval dans leur poche. Ainsi que des enfants qui boycottent les cours du soir, etc. Ils sont des fois en uniforme scolaire, précise cet hebdomadaire de l'éducation, qui souligne que, malgré cela, le directeur provincial de l'éducation à mairie de Bujumbura, la capitale économique, avait interdit ce comportement. Revue de la presse. Vers la numérisation des communes, rapporte l'agence burundaise de presse. Le cabinet du gouverneur de Bururi a initié dans toutes les communes une nouvelle innovation numérique de transmission des rapports via une application Kobo Collect. Cette nouvelle procédure de numérisation consiste à produire et transmettre les rapports de toutes les communes sur un même serveur, précise ce journal. Le conseiller chargé du développement au cabinet du gouverneur, Rémi Ndayubaha, précise dans les colonnes de l'ABP que cette nouvelle technologie de numérisation facilitera la transmission sans devoir dépenser les frais de déplacement et libérera les espaces de conservation physique. Le défi majeur rencontré est que la plupart du personnel des communes ne possède pas de téléphone Android, alors que l'application est téléchargeable dans ce genre de téléphone, note-t-il dans les colonnes de ce quotidien. Enfin, tous les quatre défenseurs des droits de l'homme restent incarcérés, écrit Net Presse, qui précise qu'il s'agit de Maître Sonia Nkomasabo, de Marie Emerusabe, de Sylvana Inamaoro, de Dasa Vyarimana et de Prosper Runyangi. D'après le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et du Développement communautaire, Martin Niteretse, cité par son confrère, une filature de plusieurs mois, trois au total, a permis de les suspecter, d'où ils sont entendus. Citant la même source, ce quotidien en ligne souligne que ces quatre personnes travaillent avec des organisations non reconnues par Gitega, des associations de la société civile qui ont été interdites par le gouvernement du Burundi, et que ces défenseurs des droits humains utilisent des fonds dont on ne connaît pas exactement l'origine. Ainsi se referme cette revue de presse préparée et présentée par Jean-Bosco Ndouimana. Restez branchés sur nos ondes. Revue de la presse.